Exercice 5, page 168. A. C'est le 3 septembre. B. C'est le 13 novembre. C. C'est le 30 décembre. D. C'est le 4 octobre.